بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. دوزيام لوسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب اليوم سنأخذ حديثين إن شاء الله لأنهما قصيران. نقوم دو حديث في سوكو هذا وهذا، وبعد إن شاء الله كملنا باب المياء كتاب ليف دي زو سوغا أشفي. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الشراب وفي شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Donc selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si la mouche venait à tomber dans la boisson de l'un d'entre vous, alors qu'il la plonge, ensuite qu'il l'enlève, car dans l'une de ses ailes il y a un mal, un poison, une maladie, et dans l'autre le remède. Rapporté par le Bukhari. Et dans une version de Abu Dawud, il dit car certes il se protège de l'aile qui contient le poison ou la maladie. Et l'ajout de Abu Daoud, il est daïf, il est faible. Mais l'un shahid des hadiths de Abi Saïd al-Khudri, rapporté par Ahmed ibn Majah, avec un isnad sahih, avec une génération authentique, on lui aurait dit فَنُوْ يُقَدِّمْ أَسَّمْ وَيُؤَخِرْ الشِّفَاء. يعني que l'aile avance le poison et retarde la guérison. Le معنى sahih. طيب. Donc là, ce hadith est venu pour évoquer la mas'ala des insectes. Ce qui touche aux insectes. فَقَالَ مَيْتَتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسْ سَائِلَةٌ. C'est-à-dire la chair morte, on va dire, le cadavre de ce qui n'a pas de sang qui coule. C'est-à-dire les insectes. Donc ce hadith était pris comme preuve pour dire que tout être n'ayant pas de sang, que sa dépouille est pure. Car si jamais c'était une najasa, une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit de la plonger dans l'eau. Il est également venu dans un hadith clair, où il a clairement dit, cependant le hadith, il est faible. Même très faible. Selon Salman al-Farisi, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ya Salman, kullu ta'amin wa sharabin waqa'at fi dabbatu laysa laha dam, fa matat fa huwa halalun akluh, wa sharbuhu wa wudu'uhu. » Donc dans ce hadith faible, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait censé avoir dit « Ô Salman, toute nourriture ou boisson dans laquelle serait tombé un animal n'ayant pas de sang et qu'il serait mort alors qu'il est permis d'être consommé ou d'être bu, de s'en servir pour faire les ablutions. » Que le hadith la yathbut. Lakin ce hadith là fait qu'on s'en passe. Le hadith d'Abu Huraira fait qu'on s'en passe. طيب طيب أخي إلى أبطان بعض ابن عبد البر دون الاستذكار ولدي وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس وكل شيء ليس له دم سائل مثل الزنبور والعقرب والعجلان والسرار والخنفساء وما أشبه ذلك والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فذكر الحديث. Donc il dit que il se peut qu'on trouve des choses, des animaux morts, n'étant pas impurs. Car à la base, Maitata, un animal qui est égorgé pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa dépouille est une ajasa, elle est impure. Qu'il s'agit de ce qu'on puisse, qui nous est comestible ou pas. Qu'il s'agit d'un mouton ou d'un lion, c'est pareil. Déjà, ce qui est un lion, les fauves, tout ça, on ne les égorge pas à la base. Mais tout ce qui est, par exemple, comme les moutons, comme les chèvres, d'accord, les chameaux, les animaux qu'à la base nous sont licites à la consommation, s'ils meurent sans avoir été égorgés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cadavre est d'une impureté. À cause du sang qu'ils contiennent. Donc il dit qu'il y a des animaux, ils visent par les insectes, parce qu'il n'y a pas de sang, qui ne sont pas impurs lorsqu'ils sont morts. Tous ceux qui n'ont pas de sang, comme par exemple la guêpe, comme le scorpion, comme le criquet, comme le scarabée, tout ce qui y ressemble. C'est basé sur le hadith cité précédemment. Et après, il a porté une parole de San'ani, rahimahullah ta'ala, dans Subul Salam, où justement, la chose qui a mené à ce jugement, c'est qu'à la base, qui rend, comme on l'a dit, ce qui rend impur une maïta, un cadavre, une chair morte, c'est à cause du sang qu'elle contient. Et cet animal-là, l'insecte ou ce qui y ressemble, n'a pas de sang. Donc le jugement est levé. D'accord ? Le jugement est levé. Donc ça rentre dedans, même les araignées, ces animaux-là. Bien qu'à la base, l'araignée, il y a un hadith, mais je crois qu'il n'est pas authentique, qui interdit de les tuer. Les fourmis également, il y a un hadith authentique qui interdit de les tuer, les fourmis. Sauf s'ils vraiment nuisent, comme les ulama disent. Mais les insectes de façon générale. Et ce qui n'est pas insecte et qui n'aurait pas de sang. Par exemple, le scorpion, c'est pas un insecte. Par exemple. Le scorpion, c'est pas un insecte. Et pourtant, ça n'a pas de sang. Là, on parle de l'animal en soi. Ah ben maintenant, des animaux qui vivent dans le najasa, comme par exemple le cafard, lui, son corps n'est pas le najasa. Maintenant, il a peigné dedans, tu vois. Il en a imprégné. Mais en lui-même, il n'est pas le najasa. Il est répugnant en âme, ça dégoûte les gens, mais ce n'est pas une najasa. Maintenant, c'est vrai que c'est un insecte qui est très sale. Donc, il dit Mas'ala hukm at-ta'am wa sharab allazi waqa'a fihi adh-dhubab. Jugement de la nourriture et de la boisson dans laquelle la mouche serait tombée. Donc, Ibn Munzir, il rapporte dans Al-Awsat que la plupart des gens de science voient que l'eau n'est pas souillé par la mort d'une mouche, une mouche qui serait morte, ni le scarabée, ni ce qui y ressemble. Et ça, c'est la parole d'Anas bin Malik et de Ahmed et de Ishaq et de Abi Ubaid et d'autres parmi les gens de science. Et ensuite, il a dit que qu'il ne connaît personne ayant dit le khilaf de ce que je viens de dire, hormis et Shafi'i dans l'une de ces deux paroles. Shafi'i a deux, sur les deux paroles de ce madhab. Une parole ancienne, une parole nouvelle. Et bien entendu, toute parole qui coordonne avec la sunna, c'est une parole, c'est celle-là qui prend le droit d'être prise. Après le shir, il cite que par contre, quelqu'un a khalaf cet ijmar, a transgressé cette unanimité, c'est Ibn Hazm. En disant que les animaux n'ayant pas de sang, même s'ils meurent, restent une najasa. Et il faut savoir une chose, c'est que si une mouche tombe dans un verre d'eau, cela ne veut pas forcément dire qu'elle meurt. T'as déjà vu des mouches tomber dans l'eau, elle meurt pas forcément. Elle tombe dans l'eau, et après tu la vois, hop, elle repart. D'accord? C'est-à-dire, même vivante, elle n'est pas une impureté. Et la question qui a été posée, qui a été, on va dire, la la question drôle du cours, parce qu'il y a eu, c'est est-ce qu'on est obligé de boire l'eau ? Est-ce que l'eau, après, une fois qu'on a plongé de la mouche, est-ce que l'eau, on est obligé de la boire ? Michel a dit non, on n'est pas obligé de la boire. Bien entendu. Après, des frères sont arrivés avec une version humoristique de cette mouche, et dit les grosses mouches vertes. On les connaît, celles-là. La mouche à excréments. Il dit celle-là, on rentre dans le verre. celle-là, c'est pareil. C'est une mouche, tu vois. Ah, bien sûr, tu vas pas boire l'eau. Mais non, celui qui la boit, tu vois, il est courageux. Il est courageux, il n'a pas peur. Mais, en tout cas, il n'aura pas. La mouche en soi n'est pas une najasa. Ben, elle en transporte. Cette mouche-là, là, on sait où est-ce qu'elle va. On sait où est-ce qu'elle va, donc il se peut qu'elle transporte avec elle des najasa, une impureté. Donc celui qui boit ça, c'est qu'il est téméraire. Mais à la base, si c'est un verre d'eau et que c'est une petite quantité, si son goût n'a pas changé, nos odeurs n'ont pas changé, ni sa couleur, l'eau, elle est pure. L'eau, elle est pure. Mais il ne faut pas confondre entre eau pure et eau potable. Toute eau potable est pure, et non le contraire. Toute eau potable est pure. Donc tu bois, elle est forcément pure. Mais est-ce que toute eau pure est potable ? Non. Les eaux ne sont pas potables, elles sont pures. Tu peux faire des solutions avec. Mais pour boire, c'est pas bonne. Tu la bois, tu vas tomber malade. Donc ne pas confondre les gens entre ça, l'eau potable et l'eau pure. L'eau pure, c'est celle qui convient pour lever les impuretés et être en état de pureté pour accomplir les adorations. Et l'eau potable, c'est celle qui est bonne à la consommation. Donc on répète, toute eau potable est forcément pure. On parle de l'eau, hein. Pas d'une autre boisson, de l'eau. L'eau que tu peux boire, c'est qu'elle est forcément pure. Par contre, l'eau pure n'est pas forcément potable. Par exemple. Et des gens, des aklaniyoun, des gens qui font passer leur raison, ont refusé ce hadith. Car ils contredisent la raison du fait qu'une mouche, comment une mouche aurait-elle un poison dans une aile et une guérison dans l'autre. On dit ça c'est justement, n'est-l'umour, l'umour, la tourlem il est bil wahi. Des choses qu'on ne connaît que par le wahi. On n'a pas à se discuter comment le hadith est authentique, on prend avec. Et des gens ont refusé le hadith. C'est comme le hadith qui a été cité dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de fermer tous les récipients la nuit contenant de l'eau ou ce genre de choses, car il y a une nuit dans l'année où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une épidémie de maladie. On ne sait pas c'est quand dans l'année. Et que lorsque la maladie descend, elle cherche tous les récipients ouverts en dedans. Et après le lendemain, tu consommes et tu tombes malade. Donc parmi les raisons qui amènent à recouvrir les récipients, cette cause. Il y a différents hadiths qui sont venus, parmi eux celui-ci. Dans Sahih Muslim. Est-ce qu'on va chercher le pourquoi, le comment ? On a un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. On n'a pas à discuter. Et maintenant, celui qui veut défier, allez voir, maintenant tu prends une mouche, elle met dans ton verre, et tu ne la plonges pas et tu bois. Si demain tu as quelque chose, tu ne seras pas étonné. Il y a des gens, ils ont des causes de mort, de maladie, on ne sait pas pourquoi. C'est des choses que Allah, lui, il sait, mais on ne sait pas pourquoi. Par exemple, là, c'est une cause. On a une cause de guérison. Déjà, ça ne même pas, ça se trouve. Combien ils ont dû voir une mouche sans avoir plongé, après, ils ont eu des problèmes. Est-ce que tu meurs, est-ce que tu es malade, je ne sais pas, c'est quoi, je ne connais pas les conséquences. Regarde, il reste tout simple à faire, ça coûte quoi de faire ça ? Rien. Plonger la mouche et l'enlever. Non, je ne crois pas. Tu ne veux pas croire, ça, c'est de l'orgueil, ça. C'est de l'orgueil. Comme recouvrir les récipients la nuit. Ça coûte rien du tout de le faire. Tu dis bismillah, tu recouvres le récipient. Même au pire, allez, on dit qu'il n'y a pas forcément, tu crois pas en ce hadith. Il peut y avoir plein de choses qui rentrent dans le récipient. Les insectes qui rentrent dedans, les choses qui tombent du toit, ou la poussière, plein de choses. Donc il n'y a que la sunna, il n'y a que la baraka dedans. La sunna, il n'y a que la baraka dedans. Taïeb. Après, 13e hadith, qui est un nabi. واقد الليثي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي et le hadith طيب donc selon Abi Waqid al-Layfi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que ce qui était coupé de l'animal alors qu'il est vivant alors c'est la chair morte de la chair morte. Le hadith est rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi et le hadith il est daif. les Mursal. Quoi qu'il en soit, il y a ijma, unanimité sur ce jugement. Il y a unanimité sur ce jugement. Le shir dit Mas'ala al-Ghadu al-Munfasil min al-Hayawan Hay Ghil al-Samaki wal-Jaradi wal-Adami. Donc tout membre amputé d'un animal coupé, vivant, autre que le poisson, ou que la sauterelle, ou que l'être humain. Il rapporte de Nawawi qu'il a dit que ce membre coupé, qu'il s'agisse du postérieur de l'animal, de la bosse du chameau par exemple, ou de la queue de la vache, ou de sa patte, et autres, sont najasa bi-ijma, sont une impureté à l'ijma. Ensuite, lui, il prit comme preuve ce hadith. Après, il a dit que, Tirmidhi, il a dit que l'application de ce jugement que les gens de science sont l'application. Les gens de science voient l'application du jugement déduit de ce hadith, même s'il est faible. Et Shir al-Islam, il a rapporté l'ittifaq également, le consensus, dans son majmou' al-fatawa. Bien qu'il y ait eu finalement un khilaf mais marginal, qui n'est vraiment pas considéré. Un khilaf vraiment à ne pas prendre en considération. Ensuite, mas'ala. Al-radu al-munfasil min al-samaki wal-jaradi wal-adami. Maintenant, c'est le membre ou la partie amputée d'un poisson, d'une sauterelle ou d'un être humain. Il rapporta toujours une parole de Nawawi, rahimahullah ta'ala, où il dit que justement toutes ces parties-là, elles sont pures. Il y a wajhan, il y a deux qawls, et que la parole vraie, et que toutes ces parties-là sont tahira. Elles sont toutes pures. À la base, le poisson, on est pur. D'accord? Vivant ou mort. La sauterelle, pareillement. Et l'être humain, vivant également, malgré le khilaf qu'on a vu. La parole authentique, c'est que l'être humain, vivant, il est pur. Maintenant, le khilaf, qui est le plus fort, c'est sur le cadavre du kafir. Amal muslim, il n'y a pas de khilaf par rapport à ça, vraiment. Le khilaf serait pour le vivant du kafir chez certains. Et en réalité, on a vu que les preuves sont plus fortes pour dire que le vivant du kafir vivant, c'est pas une najasa. Vous voyez ? Kafir al-hayy, les sabim najasa. Là où le khilaf il est plus fort et plus flou, c'est en ce qui concerne le cadavre du kafir. Mas'ala. Iza ubina nil hayawan sha'ruhu aw sufuhu. Si l'animal, toujours vivant, on lui retire ses poils ou sa laine. Mais il est vivant. Toujours al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit que s'il y a mis par exemple sa laine tondue, ou son crin, ou son poil, de ce qui est consommable pour nous, ce qui nous est comestible, licite à la consommation, c'est tahir. Et cela, par un verset min al-Qur'an, et par l'ijma' de la Ummah. ما هو المية الآية إشارة لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها عفافا ومتاعا إلى حين et de leur laine et de leur crin et de leur poil, de quoi nous servir, faire ce qu'on a à faire avec. Après il rapporta que ce qui était tondu comme poil, crin et laine ou plume d'un animal qui ne nous est pas comestible, du moins qui ne nous est pas licite à la consommation, alors il y a etifak min ashabina, c'est-à-dire des gens de Shafi'i, que c'est une impureté. D'accord ? Yani law hukm sha'r al-mayta. Lianna ma'ubina min hayy fa huwa mayyit. Et il dit que dans le mazhab de Shafi'i, c'est là le jugement, hein, du poil du cadavre. C'est la même chose. Car ce qui a été retiré du vivant est considéré comme meïta. Le shia cite que c'est également une parole dans la vie du mazhab Hanbali. Et une autre version qu'ils ont, que cela est pur. Après le shir est dit, mais la parole la plus authentique, c'est que tout cela est pur. Car les poils, la laine, et tout cela ne contiennent pas de vie. Ce sont des choses qui sont en plus. Ne touchez par le sang ni par la chair, ce genre de choses. Et c'est la vie prépondérant donné par Cheikh al-Islam Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, page 21, volume 98. Et également, c'est le même jugement qu'on pourrait avoir pour les ongles, mathalan, des animaux. C'est Masala Khilafiya, et la vie le plus sûr pour le Cheikh, c'est que ça reste quand même pur. Ce qui est tondu, on ne parle pas de la peau, on parle de ce qui était tondu sur la peau. La fumada. Donc on a appris que les insectes, tout ce qui n'a pas de sang, est pur, en soi, vivant ou mort. Et que ce qui est coupé d'un être vivant, plutôt d'un animal vivant, d'accord, ce qui est coupé comme partie de lui, parmi ses membres, cela est considéré comme étant de la chair morte. Et tout ça, c'est des aqwals de base, des paroles de base. Il se peut qu'après, tu rentres dans ta facile, tu trouves des exceptions dans des cas particuliers. Après, tu vas toujours plus loin et plus loin et plus loin et plus loin. Mais la base, c'est ça. Naam. Wa nakhtafi bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin.